رايت عيسى ايسي لي سودي مفعول بي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي ونظرت الى عيسى ici les mesurur et le harf jar on l'a étudié. On sait que il a s'il rentre dans un nom, qu'est-ce qu'il fait après sa verre? Il lui met une kasra, hein, il aura mesurur. Est-ce qu'on a dit nadartu ila isa'i? Là, ila isa. Bah inchallah, c'est ça l'exception de ces mots-là qu'on verra inchallah dans le 3. Comment? Nadartu? Et na'am, c'est le ici c'est le طيب, comment on dit un couteau wahbi? C'est qui? Devant Amen. Et derrière Khabar. La khalf khalfa non tay bismillah on lit le texte ad-dars at-tasi' ma li sunna bismillah bismillah abdul karim avant men hadha ar-rajul on n'avait pas lu le texte hein non tay huwa abbasun هو عباس عباس عباس تاجر عباس تاجر غني غني غني غني غني غني عباس تاجر غني عباس تاجر غني غ غ غ غني عباس لا با عباس عباس عباس عباس تاجر عباس تاجر غني غني نعم حامد مدرس très bien حامد مدرس جديد حامد مدرس جديد ما هذا تفاح ما هذا هذا تفاح تفاح فاكهة لذيذ لذيذة très bien ما qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Mohamed Tu peux trouver, essaie de voir. At-tufah, c'est quoi? La pomme. La pomme. On a dit que tout mubtada, il fallait un khabar. Un khabar. Tu nous informes de quoi là? La pomme est délicieuse. Non, délicieuse, c'est autre chose. Tu peux t'arrêter là, regarde. Si on enlève ladidatun, est-ce que la phrase est complète? Suis-moi bien, regarde. Je te dis par exemple, Muhammadun, Talibun, Tawilun. Tu m'as suivi? Ouais. Si j'enlève Tawilun, est-ce que la phrase est complète? Non. Ouais. Mubtada khabar. Ouais. T'as compris? Ce qui vient après, c'est comme si c'est quoi? Du surplus. Ouais. Alors regarde bien maintenant. Inch'Allah, tu peux trouver. At-tufahu fakiyatun. Voilà. Inch'Allah, tu vois? C'est-à-dire, at-tufahu fakiyatun. C'est un fruit. Et des fruits, il y en a. Amers, sucrés. On a ramené quoi? L'épithète. C'est le dars d'aujourd'hui, l'adjectif. Vous avez compris? De quel type il est ce fruit-là? Nadid. Vous avez compris là? Ah d'accord. Ça va venir, Inch'Allah. T'as compris, Mohamed? Allah ibarik fik. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakat. Au suivant. Madalika. Ah, Abdelkam, avec nous. Allah ibarik fik. Dalika usfour. Dalika usfour. Osfour, c'est le moineau, hein, je crois, le petit oiseau. Il y a un autre nom, je ne sais plus comment on dit. Je regarderai demain, Inch'Allah. Au suivant. Al-Osfourou. Al-Osfourou, prononce le fa. Hein? Al-Osfourou. Très bien, Inch'Allah. Al-Osfourou. Ta'irun. Ta'irun. Ta'irun. Sa'irun. Très bien. T'as compris cette phrase? Non. Non? Je viens de le dire en plus. L'asfour, c'est quoi l'asfour? T'as pas entendu? J'ai dit, c'est un moineau, c'est les petits oiseaux. Au suivant. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Sahlatun. Taïb, l'asfour, ta'irun. C'est le nouveau mot ici, c'est quoi? Fakiyatun, c'est-à-dire fruit. Ladidatun, délicieux. L'asfour, c'est moineau. Taïb. Mais il y a un autre mot également, tu vois. Les passereaux, c'est ça, non? Vous connaissez cet oiseau-là? Pardon? Passereau, un truc comme ça. Là. C'est des petits oiseaux. C'est une race. Mais sinon, en tout cas, c'est les petits oiseaux, le moineau, je crois. Taïb. Après, il y a quoi? At-ta'ir, c'est c'est-à-dire l'oiseau. Taïb. Et le fait d'avoir dit osfor, c'est quoi? C'est ce type d'oiseau. Taïb. Al-arabiyatu luratun, sahlatun, c'est-à-dire quoi? C'est une langue facile. Voilà. Taïb.

Hein, le Caire, vous écrivez. Le Caire. Madi. Ça veut pas dire autre chose, ça. Non. Une ville ou... Non. Madina, ouais, c'est-à-dire la ville. C'est-à-dire, toi, tu as décrit la ville, le Caire. Quel type de ville c'est? Ah, c'est le Caire. T'as vu? On s'est arrêté là, Kabiratoun. C'était bon, la phrase? On aurait dit le Caïratou Madinatoun, c'était bon? Ouais, c'est bon là. Pourquoi? Parce que tu nous as informé que c'est une ville. Ouais. Voilà. Après, tu nous as décrit cette ville, comment elle est? Elle est grande. Ouais. Au suivant. Anta mudarrisun qadimun. À toi encore. La ana mudarrisun jadidun. Ah, Hamadoun. Regarde bien, rien. Ah, Hamadoun. Hamadoun, il n'y a pas ce prénom, je crois. Ahamidoun. Ahamidoun. Barakallahu fik. Taliboun. Kaslanoun. Kaslanou. Il n'y a pas de tanouin. Ça, c'est même le menace sarf. On le verra à la fin, inshallah. Continue. La. La, huwa taliboun. Mujtahidoun. Mujtahidoun. Taïb, on va s'arrêter là. Comme ça, les exercices, inshallah, vous les préparez. Hein? Et on finira toute la leçon. Parce qu'il y a un autre dars. Dans cette même leçon, il y a un autre dars. L'ism al-mansoul, al-ladhi. Taïb, inshallah, demain, on finira bien. Barakallahu fikoum. C'est bon.